Continuons avec ceci. Parlez-vous français? Parler. To speak. Je parle. I speak. Je parle. Vous parlez. You speak. Vous parlez. Il parle. He speaks. Il parle. Nous parlons. We speak. Nous parlons.